foundation. Come and say some of them ask me where me get it from. Tell some of them ask me where me get it from. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Comme à l'habitude, ben plein de bonne musique en téléchargement gratuit, donc des trucs d'un peu partout sur la planète. J'en ai de la Russie, de la Pologne, de l'Ukraine, donc Italie, Belgique. On fait un petit tour de la planète et je vous propose de la musique en téléchargement gratuit. Si les pièces vous intéressent, comme à l'habitude, ben allez visiter la page de l'émission. C'est au www.webmusique.ca. Vous allez retrouver la playlist et absolument tout ce qu'il vous faut pour donc télécharger et écouter les pièces présentées à l'émission. On débute avec un artiste de la ville de Moscou, c'est Tony Deus. Je vous fais entendre la pièce Dream 4, Ghost of the Past. C'est sur l'étiquette russe Subwise, une excellente étiquette qui nous vient de Saint-Pétersbourg. Ensuite de ça, toujours de la Russie, c'est Sheila Eve. Je vous fais entendre la pièce Freedom and Independence. Thank you. song you're not gonna find anywhere else. Anywhere else. Anywhere else. Anywhere else. Dissent is a silence, not praised. No expenditure is questioned. No expenditure is questioned, not praised. No secret is revealed. That is why that you're expressed more. That is why the secret is revealed. That is why the secret is revealed. I am asking for that citizen and une pièce qui nous vient de la Russie. L'artiste s'appelle Shilaev. C'était la pièce Freedom and Independence. Avant ça, bon, on avait débuté Web Music avec Tony Deus, un artiste de la ville de Moscou. C'était la pièce Dream 4, Ghosts of the Past. C'était sur l'étiquette Subwise Net Label. On poursuit Web Music avec un Polonais, cette fois-ci du nom de Eternal Sunset. Je vous fais passer la pièce A Worm Digs Silently. C'est sur un album split avec Italz. C'est l'album intitulé Neurotic Designed. Ensuite de ça, sur l'étiquette Neo Normalism Records, une étiquette russe, on va entendre Obotech avec la pièce Obender. C'est Obotech qui nous vient de la ville de Odessa, en Ukraine. Thank you.

эскиза, я давно хотел вас спросить, как художник, художника, вы рисовать умеете? Une petite pièce bordélique merveilleuse, c'est par Obotek, un artiste qui nous vient de la ville de Odessa en Ukraine. C'était la pièce O Bender sur l'étiquette Ne Normalism Records. Avant ça, de la Pologne, c'était Eternal Sunset avec A Worm Digs Silently. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL 89.1. On poursuit avec un artiste, cette fois-ci la ville de Columbia au Missouri, c'est Spherix. Je vous fais entendre sa pièce Detriment. Ça va être suivi par un artiste russe de la ville de Moscou, c'est Frank 19 avec la pièce Brick Wall. Yeah.

C'était la pièce How Old Was I par Foxia, un artiste italien qui publie sur l'étiquette Yo Net Label. Avant ça, on entendait BF Project avec sa pièce Under the Mask. Web Music se poursuit cette fois-ci avec Midnight, Mood Swing et Sis Work. Je vous fais entendre leur pièce To Sleep. C'est un duo qui nous vient de la ville de Bruxelles en Belgique. Excusez-moi, Sis Work vient de la ville de Bruxelles et Midnight Mood Swing vient de Pittsburgh aux États-Unis. Ensuite de ça, sur l'étiquette Extraplex Records, je vous fais entendre un artiste belge du nom de Homme Meta. Je vous fais entendre la pièce Opiate. Thank you. C'était la pièce Opiate de Om Mehta qui nous vient de la Belgique. C'est tiré de son album Nego. Avant ça, on entendait Midnight Mood Swing et Sis Work avec la pièce To Sleep. C'était tiré de leur album de Dopamine Recursive. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. On poursuit avec une pièce, cette fois-ci de Reorbiting. Je vous fais entendre la pièce Kobe Scotch. C'est sur l'album Brute Machine. Thank you. C'était une pièce tirée de l'album Brute Machine de Ray Orbiton, la pièce Kobe Scotch. Ça va déjà être tout pour Web Music, donc je vous rappelle de vous rendre au www.webmusic.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Vous pouvez aussi passer par le site de CKRL dans la section programmation. Donc, vous allez avoir accès à toute la playlist de l'émission et des émissions antérieures. Vous avez la balado et tout ce qu'il vous faut pour télécharger toutes ces pièces de façon gratuite et légale. La plupart du temps, vous pouvez même télécharger les albums au complet. On se quitte avec une pièce de Dead Skin que j'avais annoncée plus tôt dans l'émission, mais là, c'est vrai, je vous l'ai fait passer. C'est la pièce Viral Carnage, Dead Skin, qui nous vient de la ville de Hawkesbury, en Ontario. C'est sur l'excellente étiquette Torn Flesh Records. Si vous aimez un peu la musique brutale, donc Torn Flesh Records ont des centaines d'albums en téléchargement gratuit, des trucs d'un peu partout sur la planète, différents degrés de brutalité. Donc, allez faire un tour sur Torn Flesh Records. Je suis certain qu'il y a quelque chose pour vous. On se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous à compter de 19h dimanche prochain pour notre émission de Web Music. Téléchargez Web Music sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Yeah! Wow! Je l'ai enfin trouvé! Et oui, encore un client satisfait qui sort de chez CD Méloman parce qu'il a trouvé le disque qu'il cherchait depuis longtemps. CD Méloman, le disquaire où l'on fait de belles trouvailles. Au 248 rue Saint-Jean à Québec, 418-525-1020. En marge de l'événement des grands voiliers dans le Vieux-Port, le Centre de valorisation du patrimoine vivant, en partenariat avec les musées de la civilisation, présente une série d'activités reliées aux traditions maritimes d'ici et d'ailleurs. Les 5, 6 et 7 septembre, chants de marins, conférences, rencontres avec des artisans reliés à la vie maritime du Saint-Laurent. Présenté grâce à une aide financière de l'Entente de développement culturel de la Ville de Québec et du ministère de la Culture et des Communications. C'est le général de... Informations, www.cvpv.net. Au cœur du Vieux-Port, à quelques minutes du centre-ville, vous trouverez la boutique Écoauthentique. Il y a chez Écoauthentique un vaste choix de produits faits de matières recyclées, renouvelables, biologiques et équitables. Bref,